I'm a passing man, and shit, I need to make a stand. And I don't want to be misunderstood. I'm kinda weak, but I can't take care of myself. This calm away from this madness. I am sitting on the fence, doing my best not to offend. So far, so good, but I can move. We'll be right back. Salut Étienne, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Bon, bah Zitoun, on te connaît un peu. Ça fait 2 ans que t'es sur la fac. L'an dernier, t'étais pour le Bon Marché. Mm. Tu participais avec d'autres artistes. Bah, j'ai joué et puis j'organisais surtout. Du coup, en fait, le Beau Marché, ça, c'est un espace que j'ai découvert l'an dernier qui se passait au Potager. Il n'y avait pas du tout de musique, en fait, avant. Et puis, j'aurais proposé de jouer de la musique, comme j'ai un petit peu d'expérience avec la foule. Enfin, pas la foule, mais avec le public, comme ça fait 8 ans que je fais des spectacles de rue. Et du coup, je voulais juste proposer d'animer en fait un peu ça. Puis donc j'ai joué une fois et ça a plu. Et donc je suis revenu une deuxième fois, une troisième fois. Et vite on s'est rendu compte que genre ça ferait beaucoup en fait si je jouais tout le temps. Et ce serait donc j'ai proposé qu'on trouve d'autres musiciens. Donc là on recommence encore cette année et je fais un appel aussi aux musiciens qui veulent se présenter genre un projet, juste guitare voix, que ce soit juste 2-3 morceaux ou que ce soit carrément tout un set de 30 minutes quoi, si vous avez un truc stable et puis qui vous botte, voilà quoi. C'est à la cool. Tous les artistes qui nous écoutent, si jamais vous êtes chaud, elle va marcher. Ouais, puis faites passer le mot aussi à vos amis. Ouais. Voilà, tous ceux qui pourraient être intéressés, tout niveau, tout âge, qui gravitent tout autour de la fac, quoi, nous on prend. Et puis voilà, c'est pour poser une bonne vibe au marché qui se passe le mardi, de 12h30 à 14h sous la canopée, vers Olympe de Gouges. Voilà. Peux-tu nous en dire plus sur ce que c'est que le Beau Marché, cette initiative du coup associative? Ouais, alors en fait c'est un marché qui a été créé par l'association Eco Solidaire, qui a été monté par une amie qui s'appelle Léna. Et en fait c'est un marché qui se veut très éthique, et donc il est bio et local. C'est des agriculteurs du coin qui proposent des trucs genre il y a du jus de pomme bio qui est hyper bon, il y a de la souplette qui est hyper bonne tout le temps. Ils vendent aussi du pain, je crois qu'il y a du miel ou d'autres produits un peu du terroir, quoi, comme ça. Et il y a aussi une place pour les étudiants qui font aussi de la main, enfin, qui font du crafting, que ce soit des bracelets ou genre des sacoches et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là, c'est le mot que je cherchais. Mais hier, on était mardi, du coup. Et, ouais. Alors, mardi, il n'y a pas eu, ouais, parce qu'en fait, on n'avait pas encore les autorisations. Mais dès mardi 14, là, on attaque directement et ça va être encore plus gros que l'année dernière parce qu'on va aussi essayer d'élargir. Donc, il va y avoir aussi une galerie et photos. Donc, ça va se mettre en place aussi doucement. Et voilà, on va essayer de faire encore plus de musique et plus de projets, d'élargir un peu le marché en fonction de ce qu'on a le droit aussi, nous, de faire. Voilà. Mais c'est bien, c'est un beau projet. C'est hyper cool et ça fait vachement vivre la fac, quoi, ouais, c'est clair. Et même quand on a un petit peu faim, quoi, en sortant de cours, on peut pour pas cher. Ouais, pour pas cher et pour bio et éthique, franchement, c'est de la balle. Ouais. Circuit court, ouais, c'est nickel. Bon, du coup, revenons un petit peu à toi, Zitoun. Ouais. Du coup, tu me dis, ça fait 8 ans que t'as commencé, que... Tu commences à faire des spectacles, tout ça. Raconte-moi comment t'as commencé. Tu m'avais raconté un petit peu, c'était à Paris, tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai grandi dans la banlieue à Paris, vers Cergy-Pontoise. Et j'allais à un lycée à Sèvres. C'était un lycée de musique, en fait, où j'apprenais tout ce qui touchait en fait à la musique, mis à part faire genre la pratique de l'instrument. Donc, on étudiait tout ce qui va être théorie. On étudiait aussi l'histoire que de la musique. En physique, c'était des cours de fréquence du son et tout ça. Donc, c'était assez cool. Mais j'avais 4 heures de transport par jour. Et du coup, dans le train, j'ai commencé à jouer de la musique à la période de Noël. Juste genre trois accords quoi, de guitare, quoi. J'ai commencé à peine en fait la guitare. Et je voulais ça pour payer des cadeaux à mes proches et aussi me payer un peu de shit parce que mes parents m'avaient cramé et du coup ils me passaient plus d'argent. Et du coup voilà, ça me payait un peu tout, c'était cool. Bon, ça gagnait pas des masses, mais bah, ça suffisait pour tout ça. Et petit à petit, la musique m'a vraiment plu, alors qu'à la base c'était plus une motivation sociale que vraiment une passion. Mmh. Et puis voilà quoi, je me suis lancé dans le milieu, enfin genre pas vraiment, j'ai créé en fait mon propre milieu en faisant de la rue, quelques petits accords, je m'accordais en open en fait on appelle ça, ou ce qui laisse un champ très libre pour faire de l'improvisation, et j'apprenais tout seul comme ça, genre dans la rue, devant des magasins, c'était un chopi à Sèvres, ça c'était pendant 3 ans, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, j'y étais tous les jeudis soirs. Puis voilà, après je suis parti en Australie, j'ai continué à vivre de la musique, enfin survivre quoi plutôt, parce que je jouais sans ampli et sans CD à vendre. Et je suis rentré en France au bout d'un an, et là j'ai acheté un ampli et j'ai commencé à faire des foules, et là ça a révolutionné en fait tout. Mm-hmm. Du coup j'ai quitté mon job de livreur de pizza que j'avais en fait à l'époque, c'était à Montpellier. Et j'ai commencé à faire que jouer dans la rue. Je suis reparti en Australie 3 mois, ce qui m'a, j'ai fait suffisamment de sous pour revenir et pouvoir m'acheter un van. Et avec ce van, j'ai pu partir après en Europe, enfin surtout en France en fait, et faire des spectacles. Bah ça a toujours été en voyage quoi. Depuis le jour où j'ai réalisé que je pouvais vivre de la musique, enfin pas juste survivre, mais vivre aussi quoi, payer aussi tout ce qu'il fallait et avoir un peu plus aussi bah, pour me faire plaisir. Je me suis dit que j'avais plus besoin de bosser quoi, c'était plus la peine quoi. Il faut rappeler aussi qu'en dehors juste de tes concerts que tu fais gratuitement du coup pour le bon marché, tu sors aussi des albums et tu fais aussi des concerts actuellement même sur Toulouse. Ouais, j'ai trouvé un agent là cet été, c'est le fils d'un des organisateurs d'un festival qui m'avait embauché parce qu'il m'avait vu jouer dans la rue dans un autre festival. Mmh. Il m'avait proposé de venir, et je trouve que ce gars c'est un mec qui s'appelle Hugo et qui bosse, enfin qui est aussi à la fac. Et du coup, il fait mon agent et il me trouve des dates. Et puis, en fait, on collabore quoi, tous les deux. Et effectivement, je fais des CD aussi à côté. J'enregistre mes morceaux tout fait maison avec mon micro home studio. Et là, je travaille sur un 5e album. Et voilà, il y en a 2 que je vends vraiment en fait dans la rue avec la pochette et tout. Oui. Et du coup, t'en as déjà fait 4. J'en ai déjà fait 4, dont un quand j'avais 16 ans, qui est plus un recueil de morceaux que je fais plus trop écouter parce que ça a pris de l'âge. Donc moi je les garde un peu pour moi, mais c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui s'écoute vraiment. Enfin, je préfère montrer mon travail que je fais aussi maintenant, parce que à chaque album qui sort, je considère que celui d'avant il est dépassé quoi, ouais, un peu quoi. Mais c'est ça aussi, voilà. C'est bien aussi de se sentir comme ça, progresser. Ouais. C'est cool. Ouais, ouais. Et du coup, tout ça, faut le rappeler, c'est que de ta compo. C'est que ma compo. Là, dans les 2 derniers CD que je vends, il y a quand même une reprise dans chaque CD. Et après, ouais, tout le reste, c'est des compos. Mais bon, après, compo, c'est aussi en fait énormément d'inspiration, de musique qui me plaisent aussi, d'ambiance que j'ai envie de retranscrire à ma manière. Et puis voilà, quoi, je fais un morceau en reprenant certains codes ou pas. Après, genre, j'invente aussi, mais c'est vachement du mimétisme aussi un petit peu, quoi, quelque part, en y mettant ma patte à moi. D'accord. Et je me posais une question, du coup, tes prochains concerts à Toulouse? Ouais, j'ai des prochains concerts. Là, je vais jouer au Bar de l'Autruche le 24 novembre, si je dis pas de bêtises. Il y a toutes les informations sur ma page Facebook Zitoons Music. Je vais faire aussi un autre concert à la Maison Blanche. Je sais plus vraiment quand, mais je vais le poster aussi sur la page. Et le week-end du 10 décembre, je fais une tournée à Béziers. Il y a Hugo qui m'a trouvé 3 dates d'un coup sur jeudi, vendredi et samedi. Du coup, je vais pouvoir faire, enfin, je vais rester là 3 jours et faire 3 dates. Donc voilà. Voilà, je tourne un peu, enfin j'essaye, quoi. C'est un peu dur, j'aimerais bien jouer plus, mais voilà. Ouais, mais il faut se rappeler aussi que t'as des cours en dehors de ça, c'est la fac. Ouais, j'ai des cours, mais de philo, où en fait j'y vais vraiment que pour le plaisir, c'est plus un passe-temps, et pour avoir un cadrage, puis aussi une accroche aussi sociale avec des gens, rencontrer des gens avec un contexte. Aussi, ouais. Voilà, ouais. Ouais, c'est ça quoi, c'est toujours bien d'être impliqué aussi dans des cadres pour pas se perdre complètement, parce que en voyage ça m'est arrivé de me perdre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé en fait à Toulouse, parce que de voyager en van à un moment c'est trop bien, hein, mais voilà quoi, il y a un moment où on se demande où est-ce qu'elles sont vraiment nos racines, et qu'on en a pas en fait, qu'on a envie d'en faire. Voilà. Ok, je pense qu'il est temps pour écouter un petit morceau. Alors ouais, ça nous a choisi. Alors j'ai choisi un des morceaux. Alors ça a rien à voir avec ce que les gens auraient pu voir sur le campus quand je jouais, parce que là c'est de la musique où il y a pas de guitare. Enfin genre ce morceau-là, il y en a pas. C'est un extrait de l'album sur lequel je suis en train de travailler maintenant. C'est un morceau qui s'appelle Ashtray et il y a vachement plus de sons de synthé et tout ça. Donc ça reste aussi, c'est un mélange, une fusion entre l'électronique et l'acoustique. Et puis voilà, quoi, j'espère que ça va vous plaire. Non, on va écouter ça tout de suite. Un morceau bien agréable, Zitoun. Merci, c'est cool. Mirail. Et je me posais d'autres questions, du coup, parce qu'on n'a pas terminé avec toi, Zitoun. Vas-y. Ce qui fait le charme quand on te voit et quand on t'écoute, c'est tu joues pas juste de la guitare, tu chantes aussi, mais surtout, tu as un harmonica avec toi. Mm-hmm. Et tu as aussi un tambourin à tes pieds, armé de tous ces instruments. Tu arrives à les jouer de très belle manière, qui rend une musique très douce et très agréable. Mm-hmm. Si tu pouvais m'en parler un petit peu plus, comment est-ce que tu as acquis tout cet amour Et cette envie surtout. Ouais, ouais. Bah déjà, merci beaucoup pour tous ces compliments. Alors en fait, j'ai commencé la guitare quand j'avais 15 ans. Voilà, j'ai commencé que comme ça. Après, c'était un peu répétitif comme je ne chantais pas. Donc j'ai rajouté l'harmonica avec mes accordages un petit peu spéciaux. Ce qui fait que ce n'était pas trop dur à jouer. Je faisais juste. Je respirais dedans. Je faisais juste des trucs un peu comme ça. Voilà, donc ça c'est des trucs qui sont pas trop trop durs en fait, ça s'apprend assez vite et donc petit à petit je visais mieux en fait les trous quoi, je faisais plus juste des accords quoi, comme ça. Et voilà, donc j'ai fait guitare harmonica, ensuite 3 ans après il y a le tambourin qui s'est rajouté. Il a fallu le temps. Ouais, il a fallu le temps, ouais. Et en fait il est venu compléter un rythme que j'avais trouvé en chemin, un rythme qui a été fondamental et qui est encore hyper fondamental dans ma musique. C'est que quand je joue de la guitare, je tape en même temps sur chaque temps, je fais poum poum poum poum, comme ça, ça met un peu cette rythmique pas techno mais vraiment pulsive quoi. Et du coup le tambourin il venait là pour compléter, c'était vraiment ce qui me manquait. Et ce qui me manquait par-dessus tout, c'était la voix en fait. Et donc ça a mis beaucoup de temps parce que je suis vraiment de caractère assez timide. Ouais. Et du coup, j'ai mis 5 ans avant de débloquer la voix, de commencer à chanter un peu, chanter des petits trucs, Blackbird, machin, hyper faux et tout ça. Et puis c'est donc, ouais, puis petit à petit, là ça fait 1 an et demi que ma voix est en train de prendre une forme dans laquelle vraiment je me complais beaucoup. Oui, et c'est pas encore fini. Entière, ouais, ouais, et c'est un truc. On commence à zéro, quoi. De toute façon, ouais. Ça c'est vraiment une évidence. Et voilà. Donc avant, je me cachais avec juste la guitare et puis derrière mon harmonica, je disais bonjour aux gens. Et maintenant, je joue pour des foules où je chante devant. C'est vrai que ça a mis du temps à se débloquer, mais voilà, c'est tout ça petit à petit, quoi. Il y a vraiment pas de magie en fait en soi, quoi. C'est, et puis bon, après il y a l'envie aussi qui c'est ça. Je pense que le talent ça vient que de l'envie, de l'huile de coude, quoi. Mais bien sûr, combien de personnes ont essayé de jouer un instrument sans avoir la passion et qui ont abandonné très rapidement. Et ouais, toi, c'est du ça. Coup, passionné tout simplement. Il y a des gens qui font de la guitare depuis 10 ans qui font encore juste les 3 accords qui parce qu'ils encore se complaisent en fait là-dedans, quoi. Oui, aussi. Voilà, bien sûr. Voilà. Voilà, moi j'ai eu envie de plus. Je suis passionné par plein d'instruments. J'ai une quarantaine d'instruments auxquels je touche. Hein. Je dis pas que je suis bon à tous, mais quand on est bon quand on commence à en connaître un, ensuite en apprendre un deuxième, ça va un petit peu plus vite. Puis ensuite, quand on connaît 3, puis 4. Même juste un petit peu, ça ouvre plein de portes sur tous les autres. Et après c'est une accessibilité qui va vite, quoi. Et du coup tu es autodidacte. Ouais, alors j'ai quand même pris à 15 ans j'ai pris 1 an de cours de blues, guitare, ce qui m'a mis un petit peu aussi sur les rails. Et le solfège, ça c'est un truc que je me sers tous les jours dans le fond bien de sûr. Ma tête à ma manière, mais c'est vrai que ça a été vraiment sans c'est ça j'aurais important. Pas pu approfondir tant que ça en fait dans la musique. Du coup, est-ce que maintenant tu te sens complet dans ta musique? Est-ce que tu es encore en recherche un petit peu de nouveaux styles, de nouveaux instruments, de nouveaux défis? Alors, des nouveaux instruments, je commence à en avoir du mal. Enfin, je commence à avoir du mal à en trouver. Dès qu'ils me font envie, mais il y en a plein de petits. En fait, j'adore les petits instruments comme la guimbarde, les flûtes tannées, et les plus gros comme les washboards, quoi, par exemple, ou les flûtes, tout ça, quoi. Donc, ça, j'essaye. Encore, je suis pas encore très bon, mais voilà quoi, c'est pour passer le temps, quoi. C'est des jouets en fait, tout ça. En fait, ça devient des jouets, et puis on apprend plus vite encore comme ça, quoi, je trouve. Tu dis un jouet, mais c'est vrai que quand on doit jouer de ta guitare, tu joues d'une manière assez inédite, pas inédite, mais ça interroge en tout cas, parce que tu l'as posé sur toi. Ah oui, c'est vrai, ça c'est venu il y a 2 ans. Sur toi, on dirait que tu l'as chatouillé sur mes genoux. Oui, tu la grattes, tu la gratouilles, quoi. C'est... Bah ça vient d'un complexe. Avant, en fait, j'avais un ami qui faisait du tapping et il prenait la guitare normalement et il jouait avec ses deux mains, sa main gauche et sa main droite sur le manche, enfin sur la partie du manche, quoi. Et donc, moi, j'arrivais pas du tout à ça et ça me frustrait trop. Et du coup, je l'ai mise à plat, je l'ai désaccordé et je l'ai mis dans un accordage super simple dont je me sers en fait encore aujourd'hui, quoi. C'est juste une quinte. pour ceux qui parlent aussi un petit peu en fait en musique. Et du coup, en fait, ça va assez vite d'apprendre aussi comme ça. Et je m'y suis retrouvé beaucoup avec des sons très très planants en fait, avec ces bourdons quoi, constants et voilà quoi, cette méthode est. Ça te plaît et en plus c'est impressionnant pour. Ouais, et j'adorerais donner des cours en fait de ça parce que je pense que ça pourrait plaire à vachement de gens et c'est plus simple que la guitare, je trouve. Enfin, que de la jouer en fait normalement. Mm-hmm. Vraiment. Et voilà. On va peut-être passer du coup côté inspiration. Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui t'a plu comme groupe qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de jouer de la musique ? Ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Il y en a eu beaucoup. En fait, ce n'est pas vraiment des groupes qui m'inspirent, c'est des couleurs musicales. Je veux dire, dans chaque style, que ce soit du rap, ce que j'écoute très peu, que ce soit du hip-hop, que ce soit de la musique classique, du jazz, de la folk, de la country. Tout ça, il y a toujours des sonorités qui m'ont plu, en fait, quelque part. Ça dépendait aussi des artistes, quoi. Il y en a que je peux pas saquer du tout. Mais dans la country, il y en a plein. Enfin, j'adore, en fait, cet esprit quoi, du country un peu. Habitant to the country, nanana. Et du coup, ça, c'est un truc que j'essaie un peu de transmettre quand je fais de la country punch. Alors, je chante pas, mais j'essaie de donner cette pulsion, cette musique hyper enjouée et qui est là pour foutre le feu. Donc, je m'inspire un peu de plusieurs trucs, mais comme je joue aussi dans la rue, je fais énormément d'autres styles chez moi. Donc, j'ai fait aussi des instrus de rap, j'ai fait des fugues de classiques, enfin une. Voilà, j'aime bien un peu toucher à tout, c'est un peu chaque fois un challenge. Je dirais pas que c'est un complexe, mais c'est quelque chose qui me pousse vraiment en fait. Je me dis je sais pas le faire, comment ils font? J'écoute en fait un morceau et je me dis que j'aime bien et d'un style que je sais pas faire, par exemple du commercial, je me suis aussi prêté parce que je me suis dit je sais faire quelques styles, mais du commercial je vois pas comment ils font tous ces sons riches, lourds et tout, et du coup j'ai essayé, j'ai pris un super pied en fait à faire de la musique commerciale. J'espère pas tomber là-dedans, mais je pense que non, c'est pas vraiment en fait l'objectif. C'est juste que j'aime bien un peu toucher à tout quoi. Tu veux pas écouter je sais pas trop, ça dépend, faut voir, mais pourquoi pas. Après, je fais tout avec avec amour. Très bien, voilà. Donc, mes inspirations viennent d'un peu tous horizons de couleurs musicales du coup. Très bien. Et en ce qui concerne tes projets, on les a déjà un petit peu abordés. Tu vas nous sortir du coup un cinquième album très prochainement. Ouais, un sixième aussi que je bosse en parallèle parce que c'est deux univers différents. Là, j'avais dit que ce cinquième, il mêlait plus avec des sons électroniques. Le sixième, justement, ça revient sur un univers complètement folk. Je pense que c'est, comme il avance beaucoup plus lentement que l'autre, je pense que du coup, ce sera le sixième. Parce que bon, il y a aussi beaucoup de périodes creuses. Quoi. Quand on n'est pas en voyage, je me suis rendu compte qu'on perd pas mal d'inspiration, parce qu'avec la routine, tout ça, c'est vrai que des fois ça met plus de temps en fait à venir. Là, j'ai eu une période de un an où j'avais pas d'inspiration, que j'ai pas fait de morceaux, où j'ai juste travaillé un petit peu ma technique de guitare, mais c'est vrai qu'il y a quand même des creux. Et ta muse est revenue. Ta muse est revenue. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaye aussi d'en vivre aussi un moment. Donc, on a du mal à tout faire en même temps, quoi. De chercher des concerts, d'être créatif. Parce que normalement, ça devient aussi une nécessité de produire et on ne peut pas juste attendre. Il y a un moment où tu as envie aussi d'en vivre. Quoi. Ouais. Complètement. Ouais. J'aimerais bien monter sur scène, plutôt faire des premières parties que jouer dans des bars, tu vois, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Jouer 30 minutes pour chauffer une salle qui est là aussi, qui t'écoute un peu plus que des gens dans un bar. Là, j'ai joué au tremplin de la fac, à Artefac. Mm-hmm. Et c'est le meilleur concert que j'ai fait parce que les gens, ils étaient aussi vachement là pour écouter. C'était pas de la rue des gens random qui s'arrêtent comme ça. C'était pas des gens qui se retrouvent dans un bar et qui, il y a un mec, ouais, c'est cool, on écoute et tout. C'est vraiment des gens aussi qui étaient là aussi random et qui venaient pour voir vraiment en fait quelque chose. Et il y avait aussi tous mes copains de l'an dernier qui sont venus, et quand ils ont chanté avec moi les morceaux que je joue d'habitude aussi au marché, ça m'a fait tellement chaud au cœur, et ils étaient chaud bouillants, un truc de dingue. Moi, ça m'a mis une patate de dingue, et c'était mon meilleur concert, et c'est vraiment ça que je veux faire quoi, sur scène avec des gens qui viennent pour te voir. C'est vrai que c'est quand même hyper gratifiant quoi. Et est-ce que tu as gagné J'ai gagné, ouais. Tu l'as gagné? Ah, j'ai gagné le tremplin. Félicitations. Ouais, ça fait plaisir. J'ai gagné le droit de rejouer dans un bar, il me semble. Ah, ouais, ouais, content, ouais, ça, ouais, c'est ça, je crois. Hein, c'est un truc comme ça. Cool. Donc, bon, du coup, on attend avec impatience tes prochains albums. Ouais, ça ne serait tardé. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer les anciens? Alors, on peut se procurer les anciens. Il y en a la plupart qui sont... Enfin, les deux derniers qui sont en écoute gratuite sur YouTube. Mmh. Donc, piste par piste. Si ça vous plaît et que vous voulez aussi les acheter en MP3, ça se trouve sur mon site Bandcamp. Voilà, donc Bandcamp. En fait, il y a toutes ces infos-là sur ma page Facebook Zitoons Music. Zitoon'S Music en anglais. Et voilà, donc il y a cette page Bandcamp avec les quatre albums. Bon, je vous déconseille peut-être d'écouter le premier, le tout ancien, là. Mais bon. Oh, bah, voilà. Le Master tire, peut-être pas. Merde. Tu ne pas. Avec ma petite voix juvénile et mes paroles que j'ai du mal à assumer en public. Mais bon, c'était moi avant. Donc, et sur voilà. YouTube. Ouais, donc sur YouTube gratos et puis voilà, donc mm-hmm. Bandcamp sous Zitoon, c'est pour acheter. Ouais, c'est ça. Aussi. C'est Zitoon, juste tape Zitoon et puis tu tomberas après sur mon compte et tout ça. Et une dernière chose, il y a aussi je peux aussi si ça plaît quoi, vraiment on peut me contacter sur ma page Facebook pour acheter les CD que j'envoie après par la poste, frais de port offert et tarif étudiant à 5 €. Mmh. Voilà, je fais ma petite pub au passage. C'est par ça. Ouais, voilà. OK. Coolos. On approche de la fin de cette interview qui était, ma foi, ah, ça fait plaisir, ouais, c'est cool. C'est sympathique, ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir vu, Zitoon. Mm. Heureusement, je t'ai croisé la dernière fois ouais, au c'est Mix vrai. Art. Ouais. Et j'espère qu'on se reverra peut-être pour le Beaumarchais. Ouais, bah, dès le mardi 14, bah, le prochain mardi, vous savez que qu'après ça, toute l'année, hors vacances, il y aura des marchés sur le mardi de midi 30 à 14 h. Réservez votre mardi midi. Ouais, voilà, réservez-le. Et si vous avez des potes musiciens, encore une fois, vous me contactez, soit par ma page Facebook, soit vous envoyez un message à Radio Montmirail. Voilà, et puis on voit après ce qu'on fait à la cool pour mettre une bonne ambiance sur ce marché. Merci à toi en tout cas, Étienne, pour merci ça. À toi, merci à vous les auditeurs d'avoir accepté cette interview. On se quitte bien sûr en musique avec quoi comme morceau, Zitoon. Je sais pas, mais ça va être une surprise instantanément. Allez, salut, c'était Radio Montmirail, Étienne au micro, Zitoon le musicien et Val en ingé son. Tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou.